franceinter.fr. Aujourd'hui dans Affaires Sensibles, le congrès de Reims du Parti Socialiste en 2008. Depuis le 17 décembre dernier, nous connaissons les 7 candidats à la primaire de la gauche, enfin une partie de la gauche. Pour accompagner cette campagne, tout au long du mois, nous vous proposerons une émission en lien avec l'histoire récente du Parti Socialiste, à commencer aujourd'hui donc par le 75e congrès du PS à Reims. Pendant 3 jours, ses participants se sont affrontés à couteaux tirés. Les égaux, bien plus que les idées, ont donné l'image d'un parti déchiré, incapable de se réunir et de faire la synthèse, rongé par les adversités et les affrontements internes. Au cœur de cette nouvelle guerre des roses, 2 femmes que tout oppose se retrouvent face à face. Ségolène Royal, candidate surprise et malheureuse de la présidentielle de 2007, et Martine Aubry, qui entame à cette occasion sa reconquête politique à l'échelle nationale. Entre les deux, petites phrases, trahison et sombre magouille se mêlent devant des Français quelque peu désabusés par un tel spectacle. C'est un peu Shakespeare, sans le talent. En seconde partie d'émission, nous retrouverons Laurent Geoffrin, directeur du journal Libération, notre partenaire tous les 15 jours. Affaires Sensibles, une émission de France Inter en partenariat avec l'INA, préparée par Simon Maisonneuve avec l'appui des documentalistes de Radio France. Coordination Christophe Barrère, attaché de production Caroline Debray, programmation musicale Muriel Pérez, réalisation Fabrice Lègle, à la technique aujourd'hui Loïc Frapsos. Fabrice Drouel, Affaires Sensibles. Sur France Inter. Chers amis, chers camarades, merci. Au terme d'une campagne interne, transparente, publique, intense et démocratique, et désignée comme candidate pour l'élection présidentielle des 22 avril et 6 mai 2007, notre amie et camarade Ségolène Royal. Chers amis, chers camarades, vous m'avez donné de la force. Cette force, gardons-la intacte, faisons-la grandir pour avoir la victoire en 2007. Le 26 novembre 2006, Paris, la mutualité. Dans une ambiance des grands jours, devant plusieurs dizaines de milliers de militants, Ségolène Royal est officiellement investie. Après plusieurs mois de campagnes intenses et contre toute attente, c'est bien la présidente de Poitou-Charentes qui remporte la mise. Alors qu'elle entame son discours à la tribune, en face d'elle, certains ténors du parti ont du mal à cacher leur déception. Sourire de circonstance, déclaration d'encouragement, unité affichée, la couleuvre est dure à avaler, surtout pour Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, les 2 perdants de la primaire, à qui pourtant la logique politique promettait le poste à l'un. Ou à l'autre. Eh bien non, les médias et surtout les instituts de sondage en avaient décidé autrement. Et si c'était elle titrait un hebdo quelques mois avant la primaire, établissant une sorte d'état de fait, la mieux placée pour battre Sarkozy, ce serait elle. Et tant pis pour le fond, le programme, on verra ça plus tard, quand il sera trop tard. Dont acte. 10 jours avant l'investiture, le 16 novembre, les résultats de la primaire socialiste tombent. Sans appel, 60% pour Ségolène Royal, 20% pour Dominique Strauss-Kahn et 18% pour Laurent Fabius. Il faut dire que le style royal bouscule et décoiffe. Elle mobilise les militants à la base, notamment autour de sa structure, désir d'avenir. Elle contourne le parti, ses sections, ses courants, sur lesquels elle est moins influente que ses adversaires, d'où la manœuvre. Ségolène, comme on l'appelle désormais, se hisse rapidement en tête du trio. En face, engoncée dans les logiques partisanes, la social-démocratie strauss-kahnienne peine à séduire, le repositionnement fabusien à gauche toute ne convainc pas. Alors la dame du Poitou en profite et se glisse dans l'espace qui la portera candidate à la présidentielle. Et sa campagne surfe sur les maladresses dont certaines sont restées célèbres, entre la bravitude et les colères saines, des idées parfois lancées en totale improvisation. Démocratie participative, ordre juste, drapeau aux fenêtres, militants transformés en supporters. Certains meetings restent encore gravés dans les mémoires socialistes, comme celui de Charletti, où entièrement vêtue de blanc, elle rassemble près de 60 000 personnes dans un comportement qui rappelle plus ceux des prédicateurs américains que celui des orateurs républicains à la française. Or, en face, il y a un ténor, Jean Bulldozer, Nicolas Sarkozy, qui profite évidemment des erreurs de son adversaire, bien seul de surcroît, soutenu par les ténors du PS comme on soutient la corde du pendu. Et le 6 mai 2007, ce qui devait arriver arrive. Ça y est, les Français ont tranché et c'est dans quelques secondes maintenant que vous allez découvrir notre estimation dont on peut dire qu'elle montre un écart conséquent. Voici le résultat de notre estimation Ipsos Del. C'est Nicolas Sarkozy qui est élu président de la République avec 53% des voix. Résultat salué par une ovation de ses supporters Salgado. Ségolène Royal est donc battue, 53 donc pour Nicolas Sarkozy, 47 bien sûr pour Ségolène Royal. Ah, voilà Ségolène Royal qui parle. Alors on écoute Ségolène Royal. Français, mes chers compatriotes et chers amis chaleureusement rassemblés, le suffrage universel a parlé. Je remercie du fond du cœur les près de 17 millions d'électeurs. Je leur dis que quelque chose s'est levé qui ne s'arrêtera pas. Mais pour le Parti socialiste, le coup est rude. Une fois encore, il échoue à la présidentielle. Après la défaite de 1995, le traumatisme de 2002, voilà la désillusion de 2007. Trois échecs consécutifs. Entre chaque échéance, le principal parti d'opposition se rassure, il remporte les élections locales, une situation qui génère tout de même une question gênante. Les socialistes ne seraient-ils aptes qu'à gérer les villes, à défaut de conduire le pays? L'heure est au règlement de compte, encore. Il faut dire que depuis sa naissance, le grand parti de gauche a un stand de tir tout trouvé. Il s'appelle Congrès. Historiquement, cette réunion est la plus haute instance du PS. Son rôle est de fixer la ligne politique et d'élire sa direction. À mesure que le temps passe et que les institutions évoluent, les socialistes se sont adaptés. Avec le régime présidentialiste de la Ve République, la SFIO se rebaptise Parti Socialiste et en 1971, au Congrès d'Épinay, François Mitterrand le transforme en rampe de lancement vers l'Élysée. Au fil du temps, les congrès deviennent autant de lieux d'affrontement des courants que des personnes qui les portent. Certains sont restés célèbres. On pense à celui de Metz, en 1979, où les soutiens de François Mitterrand tirent à boulets rouges sur le rival Michel Rocard. Porte-flingue du futur président, Fabius lance à Rocard, entre le plan et le marché, il y a nous, le socialisme. Prends ça. Le congrès de Valence, en 80, celui de l'arrogance, après la victoire. Il ne faut pas dire, les têtes vont tomber, il faut dire lesquelles, lance Paul Quilès, aussitôt surnommé Robespol. Rennes, bien sûr, le congrès de la déchirure, en 90, lorsque Lionel Jospin et Laurent Fabius se livrent une bataille digne d'une tragédie antique. Le congrès de 2005, où les oui et les non pour le référendum sur la Constitution européenne coupent le parti en deux. Enfin, après l'échec à la présidentielle de 2007, rendez-vous est pris pour le congrès de Reims en 2008. Et là, il faut tout reconstruire. La première à se lancer dans la bataille n'est autre que Ségolène Royal. Le 17 mai 2008, elle annonce qu'elle portera une motion sur son nom. Si les militants en décident ainsi et s'ils l'estiment utile pour le PS, j'accepterai avec joie et détermination d'assumer cette belle mission de chef du Parti socialiste. Encore une fois, Ségolène Royal surprend son monde et surtout le Parti socialiste. Elle affiche sa liberté. Elle vient de lancer la campagne de ce congrès sans prévenir personne et elle bouscule les agendas de chacun. Alors, les coups commencent à pleuvoir. Tout à coup, c'est la précipitation. Son annonce déclenche inévitablement la série des possibles candidatures. Le Parti socialiste se cherche un leader et le lancinant « Pourquoi pas moi ?» gagne quelques esprits. Le bal des ambitieux peut débuter. Je fais partie de la demi-douzaine d'hommes et de femmes qui peuvent prétendre à ce poste de responsabilité. Il faut que le parti, pendant 3 ans, travaille pas tant sur la question de son chef, de son leader, qu'il ne s'enferme pas dans des querelles, mais qu'il se dise au fond, qu'est-ce que nous avons à dire aux Français? Si je suis comme le secrétaire du Parti Socialiste, c'est dans cet esprit-là, c'est pas par ambition personnelle. À partir du moment où nous lançons une dynamique politique et que je vous dis, ah ben non, de toute façon, je ne veux vraiment de responsabilité qu'à la mairie de Paris. Je me fous de vous. Mais dois-je en faire une question personnelle? Alors je vais vous le dire, est-ce que je rêve la nuit, je me réveille en me disant « je voudrais que tu aies plus de pouvoir ». Non. Voilà, à la fin, je suis le seul, mais bon, cette candidature, c'est pas une candidature de témoignage. Hein. Elle est là pour aller au bout, parce que je pense que nos idées, demain, structureront la majorité du Parti Socialiste. De leur côté, Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius sont inquiets. Ils voient d'un mauvais œil les ambitions de Ségolène Royal et de Bertrand Delanoë, qui lui aussi portait un quart d'une motion. Déjà qu'il y a eu cette maudite primaire de 2006, on va pas recommencer, pense alors Dominique Strauss-Kahn et Laurent Fabius, qui pensent surtout très fort à la prochaine présidentielle pour laquelle ils s'estiment les plus légitimes. Bien. Mais le premier est pressenti pour diriger le FMI, n'a aucune envie de passer 5 ans au sein des instances du PS. Et le second souffre d'un manque de crédibilité depuis son positionnement sur le non au référendum de 2005. Les deux hommes décident donc d'unir leurs forces pour garder toutes leurs chances en vue de 2012. Reste à trouver le candidat idoine pour battre les deux prétendants, Royal et Delanoë. Eh bien, ce sera Martine Aubry. L'ancienne ministre des années Jospin, la dame des 35 heures, jouit de sa réélection à la mairie de Lille aux dernières municipales. Elle désire à présent retrouver un rôle politique à l'échelle nationale et accepte donc de porter une motion en son nom pour soutenir cette alliance improbable des Fabiusiens et des Strauss-Kahniens appelés les reconstructeurs. Martine Aubry est la dernière à se lancer dans la bataille le 20 septembre 2008. D'emblée, elle attaque à mots à peine couverts sa rivale annoncée, Ségolène Royal. Si les militants nous font confiance, eh bien nous nous poserons collectivement la question de savoir qui peut être le candidat à la tête du Parti Socialiste. Je prendrai toutes mes responsabilités. Je le dis, il n'y a pas d'exclusive. Tous ceux qui partagent cette volonté de voir revenir la politique, c'est-à-dire de proposer une vision et pas seulement de demander aux gens ce qu'ils veulent qu'on fasse, et qui n'ont pas honte de dire, et même qui sont fiers de dire que nos valeurs, nous les avons portées dans l'histoire et aujourd'hui, et que c'est elles qui nous apportent à ce travail collectif. Voilà. À quelques semaines du congrès de Reims, prévu du 14 au 16 novembre 2008, les différentes motions et leurs leaders sont en ordre de marche. La campagne peut donc commencer. Depuis 1997 et le congrès de Brest, ce ne sont plus uniquement les dirigeants qui votent, mais tous les militants. Un premier tour est donc prévu le 6 novembre pour classer les motions. Puis, les socialistes doivent se retrouver au congrès, à Reims, pour construire la synthèse autour de la motion majoritaire et élire leur premier secrétaire. Sur le papier, en tout cas, c'est comme ça. La réalité, elle, s'avère beaucoup plus compliquée. Car les forces en présence sont au nombre de 6, dont les principales sont les motions A, emmenées par Bertrand Delanoë, signées par François Hollande, Pierre Moscovici ou encore Jean-Marc Ayrault, la motion D, portée par Martine Aubry, celle des Fabiusiens et des Strauss-Kahniens, et la E de Ségolène Royal, avec un curieux alliage de jeunes promesses du parti et de vieux barons, sans oublier la motion de Benoît Hamon au nom de l'aile gauche du parti. La campagne commence sur les chapeaux de roue, entre François Hollande, le premier secrétaire sortant qui soutient le candidat Bertrand Delanoë, et Martine Aubry, les coups pleuvent d'emblée. Le respect du vote militant, le respect de la décision prise, pour moi c'est essentiel. Et c'est Bertrand Delanoë qui peut être demain le premier secrétaire de cette nouvelle étape. Sur les soutiens des uns et des autres, hormis Delanoë, il y en a qui n'ont pas respecté la discipline. Et pour moi, c'est le critère. Et je le dis aux militants socialistes, si vous voulez que la discipline, après la démocratie, après le débat, après la délibération, soit la règle collective, votez pour une motion dont tous les signataires ont eu ce respect. Qu'est-ce que reproche François Hollande ? Que j'ai pu travailler avec les amis de Laurent Fabius. Moi, je dis simplement les choses. Pas avec les amis de Laurent Fabius, mais avec Laurent Fabius. Avec Laurent Fabius et ses amis qui ont voté non au traité constitutionnel alors que le vote avait été inverse. 3 mois après ce vote, il y a eu le congrès du Mans. Le premier secrétaire s'appelait François Hollande. Il a pris Laurent Fabius dans sa majorité. Ce qui était possible hier, 3 mois après, ne l'est plus 3 ans et demi après. Si François Hollande monte au créneau pour soutenir Bertrand Delanoë, c'est que ce dernier peine à lancer sa campagne. Favori dans les sondages, il passe tout de même pour le candidat de l'appareil, de la continuité. L'apparition de son livre, dans lequel il explique être libéral, socialiste, est plus un fardeau qu'un atout. Effectivement, en pleine crise financière, les militants socialistes attendent plutôt un discours offensif de gauche sur les questions économiques et sociales. Ils n'avaient pas vu que le message du maire de Paris annonçait le renoncement des socialistes au socialisme et au profit de la social-démocratie, voire du social-libéralisme. De son côté, Ségolène Royal continue sa politique du coup d'éclat permanent. Elle évoque la possibilité de déménager le siège du Parti Socialiste dans un quartier populaire. Elle organise peu de meetings, mais elle fait sale comble à chaque fois. Surtout, elle n'arrête pas de surprendre, comme lors de ce meeting de la fraternité organisé au Zénith devant plus de 5000 personnes. Ce soir-là, elle invente le One Woman Show politique. Oui, tous ensemble, fraternité, fraternité, fraternité. Mais Ségolène, il faut relativiser les épreuves. C'est de la politique, c'est normal. Tous ces coups qui pleuvent, relativisons donc, puisqu'on me le demande. Depuis 3 ans, il y a eu la riante primaire, la courtoise présidentielle, les gentils coups bas, et depuis 1 an et demi, je relative encore plus. Certains qui s'éloignent, d'autres qui trahissent avec grâce. Et de s'étonner. Mais elle est encore debout et en plus, elle continue. Fraternité, fraternité, fraternité. Face à elle, l'opposition s'organise, un front tout sauf royal voit le jour. On reproche à sa motion de vouloir faire alliance avec le centre, de vouloir être première secrétaire, non pas pour rassembler le parti, mais pour la propulser vers la présidentielle, comme si ce n'était pas le dessein de tous les premiers secrétaires. Dans le camp royal, on dénonce les apparatchiks du parti, ceux qui ne veulent pas le réformer et qui tiennent à leur place, comme si Ségolène elle-même et ses soutiens ne tenaient pas non plus à la leur. Finalement, le jeudi 6 novembre, les 160 000 militants socialistes se rendent aux urnes. Et encore une fois, Ségolène Royal réussit son pari. Dans cette section parisienne du PS, très vite la tendance se dessine. Motion E. Dès les premiers bulletins dépouillés, la motion E, celle de Ségolène Royal, prend l'avantage. Au siège du Parti Socialiste, la nuit est longue. Les partisans de Ségolène Royal affichent un optimisme tranquille. Non, on n'a pas les résultats. Les résultats qui sont remontés mettent assez nettement en avance 4 points ou 5. La motion E, c'est tout. Maintenant, on va réfléchir. David, on peut dire qu'on est content. Et on n'est pas malheureux. À 2h30 du matin, Stéphane Le Foll, porte-parole du Parti Socialiste, annonce que la motion royale est en pole position. Elle devance de plus de 4 points les motions de Lanoë et Aubry. Les deux se tiennent au coude à coude autour de 25%. La première place de Ségolène Royal n'est pas la seule surprise du scrutin, puisque la motion de Benoît Hamon, l'aile gauche du PS, se place en 4e position avec un score tout à fait honorable de 18% et tout à fait inattendu. Bertrand Delanoë et Martine Aubry, eux, sont pris en tenaille. Pour le maire de Paris, la déception est de taille. Il était le favori de ce scrutin. Après plusieurs semaines d'une campagne mouvementée, les socialistes se dirigent donc vers le congrès de Reims sans motion majoritaire et avec un chef de file que personne ne veut voir gagner. Encore une fois, le PS est rattrapé par ses démons. Car ce qui fait sa force, l'expression de son caractère démocratique, est aussi son talon d'Achille, contrairement à ceux d'en face, l'UMP, parti Godillot, où aucune tête ne dépasse. Alors, les socialistes vont-ils parvenir à faire la synthèse de leurs idées, mettre leurs égaux de côté? La question est sur toutes les lèvres, à 8 jours d'un congrès de Reims qui apparaît comme celui de tous les dangers et peut-être même comme l'héritier du désastreux congrès de Rennes, 15 ans auparavant. And oh, just like that river I've been running ever since. It's been a long, long time coming, but I know a change gonna come. Oh, yes it will. Now I go to the movies and I go somebody. body keeps telling me don't hang around. It's been a long time coming, but I know a change is gonna come. So now I go to my brother, and I say, brother, help me please, back down on my knees. Oh, there were times I thought I wouldn't last. I think I'm able to carry on. It's been a long time coming, but I know a change's gonna come. Yes, it will. Oh, I know a change's gonna come. I said I know. Vendredi 14 novembre 2008, à Reims, l'ambiance est lourde autour du palais des congrès de la ville. Chaque mot est pesé, chaque déclaration réfléchie. Un bon congrès du PS est un congrès où on ne dort pas la nuit. Alors comme d'habitude, les réunions se sont succédées, les discussions ont duré des nuits entières et aucune solution, aucun accord n'a été trouvé. Dans le camp royal, on ouvre la voie au rassemblement, mais ni Bertrand Delanoë ni Martine Aubry ne mordent à l'hameçon. Voilà, on en est là au moment où s'ouvre le congrès, au moment où se dessine la possibilité d'un rapprochement entre Bertrand Delanoë et Martine Aubry pour faire barrage à Ségolène Royal. Ceux qui ont l'essentiel en commun, qui n'ont que des nuances, pas des différences, des nuances d'appréciation et le courage aujourd'hui de se rassembler. Il faut nous soigner de toutes ces petites, et grandes blessures que nous nous sommes infligées, et il va falloir un jour nous les pardonner. Ségolène a demandé qu'on se respecte, aucun préalable concernant ce qu'appelle si gracieusement Bertrand le dispositif humain. Mais c'est un beau mot, Bertrand. Le plus incroyable dans ces trois jours de congrès, c'est que les militants ne savent toujours pas officiellement qui se présente au poste de premier secrétaire. Ségolène Royal finit par se déclarer vraiment candidate. En revanche, du côté des trois autres motions, personne ne s'est encore positionné jusqu'au matin du 17 novembre, date limite du dépôt des candidatures pour le poste. Alors, in extremis, un événement change la donne. Hier, on était dans ce congrès de Reims qui n'arrivait pas à sortir de la logique des personnes. Donc, le congrès est terminé, je m'engage non pas pour une personne, je m'engage pour une orientation politique qui passe par Martine Aubry et j'appelle massivement à voter pour elle. Dans le même temps, Martine Aubry se lance. L'alliance sur laquelle repose la candidature de la maire de Lille est réellement un plan anti-royal. Regrouper les Fabusiens, les Strauss-Kahniens était déjà un sacré numéro d'équilibriste, mais alors le soutien de la motion de Delanoë, lui, tient vraiment de l'acrobatie politique. De son côté, Benoît Hamon, porté par le score surprise de sa motion, décide de continuer seul. Et il en profite pour dénoncer ses alliances opportunes. On ne peut pas expliquer que c'est avec les mêmes depuis 10 ans qu'on va faire le socialisme de demain. Ça, c'est plus possible non plus. Donc je pense qu'il faut cette rénovation. Alors, à elle de dire, moi j'ai l'impression que ça dégénère en ce moment au PS, entre Martine Aubry et Ségolène Royal. Et moi, je ne veux pas participer de cette dégradation des comportements... quand des socialistes sont plus en colère contre d'autres socialistes que contre la droite. La partie se jouera donc à trois, Benoît Hamon, Ségolène Royal et Martine Aubry. 20 novembre 2008, jour du vote. Premier tour pour le poste de premier secrétaire. Ségolène Royal continue sa marche en avant et arrive en tête avec 42,9% des voix. Martine Aubry est deuxième avec 34,5%. Benoît Hamon ferme la marche avec 22,6%. Et il appelle dans la foulée à voter massivement pour Martine Aubry. Le tout sauf Royal se poursuit. Donc, le duel entre Martine Aubry et Ségolène Royal aura bien lieu. 21 novembre 2008, jour de vote du second tour. Les militants socialistes retournent aux urnes. Dans la nuit, les journalistes se rendent dans les locaux des sections socialistes. L'atmosphère est tendue, les résultats sont serrés. Ségolène est premier secrétaire. Elle ne sera pas premier secrétaire. Ah, ça y est, c'est fait, mon petit. Ah bon ? Dis quand ? Tu vas pleurer, on va te sortir les mouchoirs. Je suis très triste, parce que Jaurès doit se retourner dans sa tombe. Ça veut dire que ce sera très très très serré. Ça veut dire que ça va être... Il va falloir gérer tout ça, quoi. C'est un peu... Jouer avec nos nerfs, quoi. Attends. Ça va être un parti difficile à mener, à conduire, s'il n'y a pas de dialogue. Ça, c'est une évidence. Aux alentours de 22h, la nouvelle se répand. Ségolène Royal serait en tête. Les estimations sont diffusées en boucle par les radios et les télés. Elle recueillerait 53% des voix contre 47% à Martine Aubry. Au sous-sol de la rue de Solferino, dans la salle qui coordonne et centralise les résultats, l'ambiance s'alourdit. Les aubryistes n'en reviennent pas. Comment de telles estimations peuvent-elles être publiées ? Pour le camp Aubry, c'est sûr, c'est une stratégie de la part des royalistes. Communiquer rapidement sur cette prétendue victoire pour l'asseoir. C'est la même méthode que Fillon et Copé adopteront plus tard avec le succès que l'on sait. Aujourd'hui encore, ils emportent le boulet. Aux alentours de 23h, lentement mais sûrement, d'autres résultats circulent et l'écart se resserre. Ségolène Royal ne serait plus qu'à 51%. Surtout, tous attendent le résultat des grosses fédérations. Le Nord, le Pas-de-Calais, la Basse-Normandie, acquise à Aubry, l'Hérault et les Bouches-du-Rhône, plutôt royalistes. Ce sont ces fédérations qui font et défont les scores. Des régions où les habitudes de triche de l'appareil socialiste sont éprouvées. La machine se met en marche, des deux côtés. Mais là où les soupçons sont les plus forts, c'est pour les résultats de la Fédération du Nord, terre de Martine Aubry. Plus tôt dans la journée, Guillaume Blanc, ancien dirigeant du mouvement des jeunes socialistes proche de la maire de Lille, envoie un texto avec une consigne à tous les secrétaires de section. Il écrit « Attention, ce soir, ne donnez bien entendu aucune copie du procès-verbal du vote et apportez-le nous au comité de ville dès la fin. » Les résultats doivent pourtant être directement transmis à la Fédération, curieux, mais efficace. Les différentes sections de Lille présentent des résultats tout simplement incroyables en faveur de Martine Aubry. C'est elle à présent qui est en tête. Ses soutiens n'hésitent pas à venir l'annoncer devant les caméras. Alors en face, on réplique. C'est désormais la bataille à ciel ouvert. Et tout le monde s'y met. Un proche de Benoît Hamon vient annoncer la victoire de Martine Aubry. Manuel Valls, soutien de Ségolène Royal, s'empresse de répliquer. Il semble maintenant acquis que Martine Aubry sera la prochaine première secrétaire nationale du Parti Socialiste. Sur une avance, certes réduite, mais qui devient de plus en plus importante. Ce qui est en train de se passer ce soir est scandaleux. Que des responsables du Parti Socialiste, en rien habilités, soient en train de proclamer des résultats il y a un instant, c'est du jamais vu. On veut nous voler cette victoire. Après des semaines de campagne et un congrès manqué jusqu'au dernier moment, les socialistes s'affrontent face aux caméras et aux micros. La cacophonie est totale. Devant les grilles de Solferino, la scène est surréaliste. Des royalistes crient « Le Nord, la magouille !» Les aubryistes leur répondent par des « Unité, unité !» Les journalistes assistent incrédules à cette soirée électorale qui n'a toujours pas de vainqueur. L'avance de Martine Aubry est infime, mais il reste encore la Guadeloupe. Un territoire acquis à Ségolène Royal qui rappelle effectivement qu'elle a eu 82% des voix. Quand on aime, on ne compte pas. Là aussi, de nombreuses irrégularités sont constatées. Vote par téléphone, plus de votes que de votants potentiels. Bon, côté Aubry, ce n'est pas mal non plus. Dans la section de Lens-Bertrand, par exemple, elle recueille 36 voix contre une à Ségolène Royal dans une section qui n'a jamais été ouverte. Au final, les résultats tournent en faveur de Ségolène Royal, mais pas assez pour rattraper Martine Aubry. La situation est bloquée. Finalement, à 5h40 du matin, après une nuit de haute tension, un mail est envoyé à la presse. Martine Aubry devant Ségolène Royal de 42 voix. Autrement dit, exprimé en pourcentage, 50,02% contre 49,98%. Le lendemain, Martine Aubry s'adresse aux médias en tant que première secrétaire de l'histoire du PS et tente l'unité face aux divisions. Je serai le premier secrétaire de tous les militants du Parti Socialiste. Nous devons à nouveau incarner l'espoir. Je crois que c'est cela qui a été important à Reims. Et pour cela, nous avons besoin d'un parti en ordre de marche. Je comprends la déception de Ségolène Royal et de ceux qui ont voté pour elle et qui l'ont accompagnée. Déception d'autant plus grande que les résultats ont été très serrés. Mais je leur dis simplement que la question n'est plus de savoir qui a perdu mais qui a gagné. Nous aurons tous perdu si nous ne sommes pas capables de nous rassembler très vite. Et nous aurons tous gagné si nous faisons barrage à la droite et si nous mettons notre parti en marche pour préparer un beau projet juste, parce que c'est cela qui manque aujourd'hui à la France. De son côté, Ségolène Royal lui répond le soir même sur le plateau TF1. Elle est cinglante. C'est quand même très étrange de voir une candidate à une élection s'autoproclamer élue alors même qu'il y a actuellement un certain nombre de décomptes de voix qui sont en cours d'examen, précise-t-elle. La nuit n'a visiblement pas apporté conseil. Le camp royal est bien décidé à ne pas laisser passer cette défaite au goût très amer. Manuel Valls menace d'une action en justice, ce qui revient à attaquer son propre parti. Impensable. Les deux camps acceptent donc le principe de la commission de recollement censée vérifier les voix. Une commission présidée par Daniel Vaillant, un jospiniste farouchement opposé à Ségolène Royal. Après deux jours de travail, la dite commission rend son verdict. La victoire de Martine Aubry est déclarée officielle, avec un écart total de 102 voix. C'est donc à la tête d'un parti coupé en deux que Martine Aubry arrive. Fin de l'histoire. Ce congrès de Reims laissera longtemps des traces dans les rangs socialistes. Il est le témoignage tragique de ses ambitions personnelles qui éteignent les destinées collectives. Certes, l'élection de François Hollande en 2012 est venue sauver la barque. Mais pour combien de temps ? S'efface, t'aurais pu attendre. Que ton heure vienne. Hier soir, t'es parti sans nous dire au revoir. Je suis sûr que t'as fait ça pour voir. Si ça nous ferait la peine. Oui, tout seul. Tu nous laisses tout seul, sans une explication. Un mot griffonné sur une feuille, une raison. Chaos, groggy, tu nous laisses ici, avec cette foule de questions, auxquelles jamais je crois, on ne répond. Si va la vie, ceux qui restent ont toujours raison. Si va la mort, les absents ont toujours tort. Parfait, passé. Souvenir, souvenir, t'es plus qu'un souvenir. Une photo dans un tiroir. Un mal au cœur qui ne veut pas mourir dans ma mémoire. Si va la vie, ceux qui restent ont toujours raison. Si va la mort, les absents ont toujours tort. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, le congrès PS de Reims avec notre invité Laurent Geoffrin. Bonjour. Bonjour. Directeur du journal Libération, notre quotidien partenaire. D'abord, bonne année à vous, Laurent. Bonne année à vous. Bonne année à vous. Et votre... aux auditeurs. Voilà. Et bonne année à votre journal Libération. Merci. Et bonne année à toute la presse écrite, je le dis, parce qu'on connaît là maintenant les problèmes de Marianne, notamment. Et puis, ça, voilà, ça nous contrarie que la presse écrite ait des problèmes, parce qu'on dit tiens à la presse écrite. Aimable. Mais non, mais c'est vrai, en plus, c'est sincère. Bien, alors on a le sentiment, à première vue, que ce congrès de Reims, des socialistes, réunit à lui tout seul un pan de l'histoire du PS, comme s'il concentrait tous les errements des dernières décennies, trophées qu'il partage d'ailleurs avec le congrès de Rennes, bien sûr, au début des années 90. Il met aussi en lumière la pratique supposée, parfois avouée par certains socialistes, de la triche dans certaines fédérations lors des votes. Et puis alors, qu'est-ce qui se passe sinon, selon vous, en 2008? Est-ce que vous pensez que, avec le recul, qui rend toujours lucide, Ségolène Royal s'est fait vraiment piquer la victoire, voler la victoire? Est-ce qu'il y a eu un déni de démocratie? Est-ce qu'il y a eu une triche? Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense qu'il y a eu une triche, mais si on cherche bien, j'imagine qu'on trouvera aussi quelques irrégularités de l'autre côté. En fait, on ne le saura jamais, parce qu'il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu de procédure. Donc, mais enfin bon, pour connaître un peu le milieu socialiste depuis longtemps, il y a toujours eu un peu de... Pas énormément, mais il y en a toujours eu. Par exemple, dans les années 70, Gaston Defferre, qui était le patron de la Fédération des Bouches-du-Rhône, qui était la première ou la deuxième du parti. Après celle du Nord. Il y avait celle du Nord. Ouais. Alors quand ils s'alliaient, on disait c'est les Bouches-du-Nord. et donc le Mauroy était patron du Nord et Defferre du Bouches-du-Rhône. Defferre attendait toujours les résultats des autres pour donner son résultat. Et il donnait toujours un résultat légèrement supérieur à la Fédération du Nord. Donc il n'avait pas besoin de compter les bulletins. De toute façon, il disait, c'est combien vous? Alors, 12 320, nous, 12 440. Et personne ne pouvait vérifier. Et tout le monde savait que c'était largement et clientéliste, et parfois truqué. Et donc là, manifestement, dans la Fédération du Nord, il a dû se passer quelque chose, parce que ils ont effectivement donné les résultats, non pas à une instance neutre et transparente, mais directement à des gens qui étaient de connivence. Donc il y a eu probablement une légère triche. Mais encore une fois, est-ce qu'il n'y en a pas eu chez les autres? C'est difficile à dire. Mais est-ce que c'était un énième retour de manivelle contre cet événement qui est arrivé dès la fin 2006 et qui a débouché sur le fait que Ségolène Royal a été la candidate? On sait que c'est resté en travers de la gorge. C'est toute l'histoire. C'est toute l'histoire, en fait. C'est le mauvais côté des partis politiques, quoi. C'est quand les ambitions personnelles et les détestations prennent le pas sur la discussion de fond. Et ça arrive, hein. Et on l'a vu aussi pour les Républicains. Parce que entre les candidats de ce congrès-là, du congrès de Reims, la différence idéologique est difficile à déceler. Enfin, entre Hamon et les autres, oui, Hamon était plus à gauche. On peut dire que Delanoë était plus social-libéral que d'autres. Mais enfin, bon, Manuel Valls, qui était très social-libéral, il était avec Ségolène Royal. Puis autour de Martine Aubry, il y avait des gens qui étaient tout à fait plutôt sur la droite du parti, etc. Enfin, chez Fabius, d'autres qui étaient sur la gauche. Enfin, c'est pas la question idéologique, c'est l'incroyable sidération des grands responsables du parti devant l'émergence de Ségolène Royal. Et ils s'en sont jamais remis. Oui, ça. Et c'est peut-être aussi la sidération par rapport à leur propre destin, des Fabius, des Strauss-Kahn, des Aubry, qui auraient pu être des présidents de la République. Bien sûr. Qui en avaient la dimension, hein, c'est clair. Ils considéraient, alors à juste titre ou pas, j'en sais rien, qu'ils étaient supérieurs. Ouais. Qu'ils étaient du club. Il y avait 4-5 personnes qui pouvaient prétendre être un jour président de la République, certainement pas Ségolène Royal à leurs yeux. qui n'était pas au niveau. Je connais qu'elle était bon, qu'elle était bien comme ministre, voilà. Éventuellement, encore un peu incontrôlable, c'est un peu bizarre. Mais alors, comme président de la République, alors là, le ciel leur est tombé sur la tête quand ils se sont aperçus que c'était donc à l'automne 2006, hein, c'est ça? Oui. D'ailleurs, cette sous-ministre baroque, tout d'un coup, avait un effet incroyable dans l'opinion. Laurent, et si c'était elle, hein? Cette hebdo dont je parlais, c'était une nouvelle offre. Et puis vous en étiez là. C'est moi qui l'ai faite, cette couverture. Voilà. Bon. Mais je l'ai pas faite en me disant elle va être présidente de la République. Ouais, non, je l'ai faite parce que c'était une, on sentait qu'il y avait quelque chose, déjà. Oui, mais il n'empêche que les instituts de sondage se sont engouffrés aussi dans cette brèche. Ah, aux yeux des autres. Et qu'on a construit, c'est-à-dire que la société des médias et des sondages ont construit une candidate. Oui, mais c'est pas que les médias. Non, c'est pas totalement que les médias. C'est qu'il y avait un phénomène d'opinion qui s'est confirmé après. C'était devenu presque une secte, les royalistes. Quoi. C'est-à-dire que c'était des gens qui avaient des rites communs, qui avaient cette idée d'une démocratie de participation, de participative. Participative, oui. Avec des meetings où elle était au milieu, au lieu d'être sur une tribune. Enfin, il y avait toute une liturgie particulière qui a culminé dans le meeting dont vous parlez, là où elle est arrivée en robe bleue. Blanche, lequel? Ça c'était pendant la campagne. Non, c'est après. C'est... Aux Zénith. Et quand elle dit fraternité. Voilà. Ouais. Alors là, c'était un stand-up. She was a stand-up comedian. Elle n'était plus leader politique. Là. C'était un numéro de cirque. Quoi. On va écouter un reportage ensemble, Laurent Geoffrin. C'est intéressant parce que c'était réalisé par Anaël Verzeau d'Affaires Sensibles en septembre 2015, il y a plus d'un an. Et alors, elle a traîné son micro auprès des militants socialistes. Et un nom revient déjà. Un nom qu'on entend énormément aujourd'hui. Ben vous allez voir. Emmanuel Macron à l'université d'été du MEDEF, 27 août 2015. La gauche, je dois le dire, n'est pas exempte de critiques particulières. Elle a pu croire à un moment, il y a longtemps, que la politique se faisait contre les entreprises, qu'il suffisait de décréter et de légiférer pour que les choses changent, qu'il n'était pas nécessaire de connaître le monde de l'entreprise pour prétendre le régenter, que la France pourrait aller mieux en travaillant moins. C'était des fausses idées. Martine Aubry, 23 septembre 2015. Macron ras-le-bol. C'est le ministre de l'économie qui sait sans doute qu'en période de crise, on n'a jamais eu autant besoin des fonctionnaires. FIAP Jean Monnet. C'est là qu'a lieu la réunion ce soir, il est 22h, d'une section socialiste qui porte sur leur organisation en interne, mais ils vont en profiter pour faire un débat sur un sujet qui les préoccupe en ce moment, les sorties, les saillies d'Emmanuel Macron. Certains sont en accord avec lui, d'autres en désaccord, et ces divisions peuvent, à certains égards, rappeler celles du congrès de Reims. Bonsoir. Pardon. Merci beaucoup à tous, et en plus on a tenu le temps. Je voudrais dire, qu'on puisse continuer à faire revivre. Alors on organise là un petit débat sur Emmanuel Macron. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou plutôt d'accord avec Martine Aubry? Alors Martine Aubry, moi je ne l'ai pas beaucoup entendue. D'abord elle est à Lille l'essentiel du temps et même quand elle était première secrétaire, elle était à Lille en général. Donc je n'ai pas assez de connaissances sur ses positions. Elle a dit ras-le-bol de Macron quand il dit les 35 heures, manière, il faut les revoir. Tout ce qui est excessif n'est pas significatif. C'est pas un jugement politique, c'est un jugement d'humeur. Donc c'est pas une analyse politique. Donc vous, madame, vous soutenez Emmanuel Macron? Pas toujours, mais je pense que c'est idiot de vilipender un ministre comme ça. Les choses sont plus complexes. Voilà. Comment vous vous appelez? Votre prénom, simplement. Jeanne. Voilà. Vous êtes au Parti Socialiste? Depuis 2006, et pour les raisons que vous devinez, puisqu'on pouvait adhérer pour une cotisation modeste et participer aux primaires. C'est pour savoir si on est pour Macron, c'est ça? Ben, c'est vrai que j'avoue que j'emploierai peut-être pas les mêmes mots que Martine Aubry, mais c'est vrai que depuis quelques jours, moi je fais partie de ceux qui disent qu'il faut une ligne plus à gauche, et qui correspondrait d'ailleurs plus aux attentes des électeurs et aux engagements de François Hollande en 2012. Et il y en a d'autres qui disent, principalement au gouvernement, dans la majorité du Parti Socialiste, qui disent, non, la ligne est correcte, parce que, étant donné l'état de l'appareil productif, on ne pouvait pas faire autrement. Et puis il y a trop de déficits et trop de dettes pour qu'on puisse redistribuer les richesses. On a l'impression de le sentir un petit peu actuellement comme une sorte de fin du monde politique, là, mais ça a existé et c'est un débat récurrent dans la gauche française et même au-delà européenne. Pour vous, il n'y a pas une implosion du PS qui est en cours ou qui pourrait avoir lieu à cause de ces différences idéologiques ? C'est vrai qu'actuellement, on a l'impression que ça n'est possible pour personne d'entendre les arguments de la partie adverse, entre guillemets. Par exemple, là, on est avec un petit groupe de personnes qui font partie de votre section. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qu'il vient de dire ? Vous êtes plutôt social-libéral ou social-socialiste ? Enfin, en tout cas, moi, je suis clairement, depuis 2012, sur la ligne effectivement réformiste et je soutiens le gouvernement. Et vous êtes au Parti Socialiste depuis combien de temps ? Je suis au Parti Socialiste depuis 2006. Et vous avez adhéré pour quelle raison ? J'ai adhéré pour m'engager, tout simplement, pour défendre un certain nombre de valeurs. Quelles valeurs vous défendez ? Les valeurs de la République, déjà. Je me sens profondément républicain. Et puis les grandes valeurs du socialisme, la solidarité, l'égalité. Par exemple, Emmanuel Macron dit qu'il faut revoir le statut des fonctionnaires, est-ce que pour vous, c'est des valeurs que vous défendez ou parce qu'il semble plutôt défendre les valeurs de l'entreprise en parlant de flexi-sécurité pour l'entreprise, en revenant sur les 35 heures, en revenant sur le statut des fonctionnaires? Ça fait partie de valeurs que vous défendez également ? La gauche moderne, c'est la réforme. Et je crois qu'effectivement, parler aussi du statut des fonctionnaires, mais pourquoi pas ? Mais ce sont des réformes qui vont dans un sens contraire aux engagements de François Hollande. Oui, mais en même temps, je veux dire, il faut sortir. Moi, j'ai pas envie de m'enfermer dans ces postures, justement, de la finance, c'est l'ennemi. Je pense qu'il faut savoir la réguler, la finance. Enfin, c'est ça notre ligne, etc. Ne soyons pas frileux, n'ayons pas peur, ne créons pas des sujets tabous. Moi, ça me paraît très important, ça. Comment vous appelez, votre prénom ? Reynald. Et je suis prof. Je fais partie de ces gens qui ont encore, dans les années 90-2000, pu profiter de l'ascenseur social lorsqu'il fonctionnait encore. Alors, Laurent Geoffrin, vous avez perçu ce que j'appellerais la macronisation des esprits. Hein, 16 mois, vous vous rendez compte ? Ça fait 16 mois et au sein du Parti Socialiste, la ligne presque de fracture, c'est Emmanuel Macron qui a quand même bien préparé son coup parce que ses déclarations iconoclastes, quand il était ministre de l'économie... Enfin, il s'est aperçu que ça marchait. Oui, c'est parce que ça marchait. Donc mais après, alors quel plan pour arriver jusqu'à aujourd'hui ? Oui, c'est une réussite jusqu'à présent. Hein. On va voir comment ça va évoluer. Mais, ouais. Mais ça ressemble un peu à l'émergence de Ségolène Royal. Pourquoi ? Mais parce que c'est quelqu'un de... Hors système comme ça ? Oui, enfin qui n'est pas du tout hors système, parce qu'il était conseiller à l'Élysée, banquier... Bien sûr, mais Ségolène Royal n'était pas si hors système que ça non plus. Pareil, simplement avec un discours transgressif. Oui. C'est ça, quelqu'un de relativement jeune, séduisant, avec qui parle direct, comme ça, de manière un peu inhabituelle, hein, qui est pas la langue un peu policée que certains hommes politiques adoptent habituellement. Et deuxièmement, qui dit des choses qui sont pas dans la norme. Ségolène Royal, quand elle disait « moi je suis pour l'ordre juste », quand les socialistes entendent « ordre juste », très bien, mais alors « ordre », c'est pas vraiment leur truc. De la même manière, quand elle a dit « il faudrait que les jeunes soient pris en main par des anciens militaires », les socialistes, ça, ils tombent de leur chaise, là. Et Macron, c'est un peu pareil, mais dans le champ économique. Alors, il sort des choses que la doctrine socialiste traditionnelle ne réprouve. Alors, est-ce que ça n'enlève pas du sens à cette primaire dite « de la gauche » parce que le candidat ou la candidate, probablement ça sera un homme, hein, quand on voit le casting, je pense pas que Mme Pinel ait des chances. Mais bon, est-ce que ça n'enlève pas de la substance à cette primeur ? Parce qu'au bout du compte, celui qui va en sortir va se retrouver contre deux autres candidats, qui sont même trois, avec Yannick Jadot, avec d'autres forces de gauche. Alors c'est la primaire de quoi et c'est la primaire de qui ? Non, je dis pas que c'est leur faute. Ceux qui sont dans la primaire, devraient être au contraire félicités pour jouer la discipline collective. Hein, parce que cette élection n'est pas du tout comme les autres. Les gens n'ont toujours pas compris ça. Enfin, les gens, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que beaucoup de commentateurs n'ont pas compris. Ça va se jouer au premier tour, de toute manière. Il n'y a qu'un seul tour. Oui, pourquoi ? Sauf si Marine Le Pen arrive derrière les trois autres. Ah, la présidentielle, pardon. Je pensais que vous ça va se jouer en un seul tour. Donc, s'il y a plusieurs candidats qui se partagent l'électorat de gauche classique, ce qui fait 30 et quelques pourcents, ben, c'est même pas la peine d'aller voter. C'est Fillon, c'est fait d'avance. Bon, mais ceux qui vont pas à la primaire... Donc ceux qui vont pas à la primaire... Oui, enfin... prennent la responsabilité, ils ont le droit, c'est tout à fait légal ce qu'ils font, mais ils prennent la responsabilité de diviser l'électorat de gauche, et donc de, c'est les Horaces et les Curiaces, vous savez, comme dans la tragédie de Corneille. Mais peut-être qu'ils ont tout seul, mais les Curiaces sont divisés et ils se font battre. Oui, mais Laurent Geoffrin, peut-être qu'eux se sont dit, comme beaucoup, que les primaires apparaissent comme un outil politique moderne, très démocratique, ce sont les citoyens qui choisissent les candidats. Mais est-ce que c'est pas le régime des partis avant tout? Regardez, quelqu'un comme Pierre Leroutourou, par exemple, qui est un homme fréquentable, qui est intéressant, qui s'est fait éjecter de la primaire. Il y a quelque chose de... Mais oui, mais vous pouvez pas mettre 22 candidats dans la primaire. Non, mais enfin, c'est impossible. Il faut qu'il y ait des critères. Mais si c'était, s'il n'y avait pas de primaire, ça serait décidé entre militants. Montre responsable, ce serait encore pire. Du point de vue démocratique, ce serait un petit appareil qui désignerait un candidat, puis tout le monde serait prié de le suivre, donc ce serait pas beaucoup mieux. L'avantage de la primaire, en tout cas cette fois-ci, c'est que ça permet de dégager une personne, sachant qu'il n'y a qu'un seul fauteuil à l'Élysée, il n'y en a pas deux, donc il faut qu'il y en ait qu'un. Donc la primaire est un outil pour ça. Alors, c'est à moitié raté, parce qu'il y a Macron d'un côté, Jadot de l'autre. Je mets à part Mélenchon, parce que Mélenchon peut dire, écoutez, moi je me suis présenté en 2012 et puis la gauche a gagné quand même, donc vous pouvez pas me faire ce reproche. Moi je ramène les voix de gauche de la gauche, puis au deuxième tour, de toute façon je vote là. Si le deuxième tour il y a un candidat de gauche, c'est là la différence. Enfin bref, bon, alors Mélenchon il a dit depuis toute éternité qu'il n'irait pas dans la primaire. Bon, d'accord, puis en plus il y a des différences très importantes. Mais les autres ils jouent un jeu dangereux, voilà. Peut-être que ça va se faire à leur profit. Tout le monde va se mobiliser derrière Macron et puis le PS va disparaître électoralement. Ça m'étonnerait, franchement. Ça m'étonnerait. Possible, ça m'étonnerait. Est-ce que la primaire, c'est aussi une façon pour les partis politiques qui perdent leurs voix et quand même de moins en moins de militants dans les partis, une façon de revitaliser la démocratie par les partis et une façon de survivre, finalement? Ah oui, certainement. Regardez pour les Républicains. Les Républicains, avant la primaire... c'était un appareil extrêmement divisé entre Fillon, il y a eu des accusations, des menaces de procès, Copé s'était retrouvé mis au banc de l'humanité pratiquement, et c'était terrible, et ça a découragé beaucoup de gens. Et puis la primaire, finalement, il y a eu 4 millions de voix, de votants, donc ça veut dire que c'était un grand succès. Donc ça remet en selle. Cela dit, moi, autant je suis pour la primaire, autant je pense que les partis politiques sont utiles. Et ça, on en dit tellement de mal que ça devient un cliché, quoi. C'est pas vrai, c'est très bien les partis politiques. Pas les partis où on fraude, où on s'occupe que d'ambition personnelle, bien sûr. Il y en a qui peuvent très mal tourner, mais le principe même... Vous voyez Macron, qu'est-ce qu'il fait Macron? Il réunit des gens, il leur demande d'adhérer, de donner leur adresse, il leur envoie des messages, il fait des réunions dans les provinces, ou dans les villes, dans les villages, etc. Et puis il va faire un peu de formation, il fait un programme, il consulte... C'est quoi? C'est un parti politique. Macron, il est en train de faire son parti politique. Dans son style, mais enfin c'est un parti politique. Si vous voulez qu'une démocratie fonctionne, il faut que les différents courants de l'opinion puissent s'organiser un peu. Et qu'il y ait un mécanisme de sélection des candidats, parce que c'est pas si facile d'être député, ministre, président de région, tout ça, ça demande quand même, en tout cas une préparation, pas forcément des diplômes, mais ça demande une préparation, et le parti politique est une école, pour ça, une école des militants. Moi je défends les militants, ce sont des gens désintéressés la plupart du temps, et deuxièmement, des gens qui font l'effort de s'intéresser de près aux affaires publiques et d'essayer de mettre en cohérence leurs valeurs et les propositions et la politique qu'on peut mener. Donc, vive les militants. Les militants sont des gens à qui on devrait donner des médailles au lieu de constamment cracher sur les partis. On finit par cracher sur la démocratie elle-même. Qu'est-ce qu'on veut? On veut quoi? On veut qu'il y ait des leaders charismatiques qui déplacent des foules comme dans les années 30 et puis après on va leur donner tous les pouvoirs. Non, un parti politique, c'est parfois ridicule parce que ça, on discute un peu du sexe des gens parfois ou alors au contraire de choses très techniques. Mais enfin, c'est ça, les affaires publiques, ça consiste à prendre des décisions qui mettent en jeu la vie des gens, et donc c'est compliqué, ça coûte cher, il faut discuter, est-ce que c'est pas trop cher, etc. Bon, cet effort-là, qui se fait au cours de soirées où personne n'est payé, que je sache, c'est une bonne chose, ce sont des gens qui croient à la cité. Alors, c'est des gens qu'il faut aider. C'est la cellule base de la vie politique. Et bien sûr, c'est pas que ça, il y a les élections, il y a les émissions à la télévision, à la radio, mais c'est pas pareil d'assister à une émission de télé entre 20h30 et 22h, et puis d'aller dans une réunion de section où on a un contradicteur, est obligé de parler, d'expliquer, de faire des exposés, de lire des bouquins, etc. C'est une formation civique. Merci Laurent Geoffrin, on va se revoir d'ici l'élection présidentielle, bien sûr, puisque nous entrons dans une phase politique intense et probablement passionnante. Merci Laurent. Merci à bientôt. À vous. C'est Affaires Sensibles aujourd'hui, le congrès de Reims ou les déchirures du PS, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous reviendrons sur le mouvement littéraire dit des nouveaux philosophes. Bonjour Vincent Josse. Bonjour Fabrice, c'est bien ces violons pour annoncer une émission de musique classique. N'est-ce pas hein c'est très très bien fait France Inter. Ah bah n'est-ce pas. Aujourd'hui on reçoit justement non pas un violoniste mais un violoncelliste, un grand violoncelliste qui fait une carrière internationale, Jérôme Pernaud, et qui est aussi un des grands animateurs en France de la musique de chambre. On a de la chance parce qu'il est là d'une part mais il est là aussi avec son violoncelle. Parfait, à tout à l'heure Vincent.